maison de mes amis, m'a dit mon vieux, on tourne en rond quand on veut faire une poésie. Les vers doivent être bons, faut bien compter les vers en pied, pas se soustraire quant à la rime, se mettre un doigt dans la narine et une plume là où s'assied. J'ai dit mon pote, tu chipotes du moment que je prends mon pied. Où est le mal si ça cahote? La rime, je me la mets où tu sais. Le nombre qu'il faut compter, je m'en balaye, m'en tape le coquillard. C'est du cochon ou c'est du lard, ce sera toujours fort critiqué. Mais faut pas ainsi raisonner, faut s'en remettre aux spécialistes. Si tu fais Camille Littonnet, on te rejettera de la liste. Mais quelle liste, Mirliton, mon ami? Celle des pros de la poésie? Mais je m'en fous, moi, de ta liste de poètes, moi. Moi, ce qui m'importe, ce qui m'importe, c'est de faire la fête. La fête des mots et des idées. Traduire un songe, une pensée, sans avoir à tout bien compter. Me prendre la tête dans les doigts de pied. La fête des mots et des idées. Traduire un songe, une pensée, sans avoir à tout bien compter. Me prendre la tête dans les doigts de pied. Me prendre la tête dans les doigts de pied.